Eh bien, ce soir, je vous offre dans Livre écrit à la montagne une rediffusion il y a déjà 2 ans qui était ce que j'appelais le Quaroche de mémoire de la guerre de 14. Alors, j'avais interrogé une trentaine de témoins dans une salle à Fresnes lors des célébrations à l'époque de l'enfantement. Et là, pour 2018, ça prend tout son revient puisqu'on avait couvert toute la guerre de 14 à 18. Et bien sûr, pour l'amnistie, je voulais vous la repasser. Et c'est celle que vous allez réentendre, donc ce soir, en rediffusion. Quaroche de la guerre de 14, Quaroche de mémoire, avec des souvenirs d'anciens, évidemment. Je n'ai pas eu les anciens de 14, proprement dit, ils ne sont plus là. Mais leurs enfants, petits-enfants, qui rappelaient des anecdotes qu'ils avaient entendues, qu'ils connaissaient. Voilà donc un temps de la mémoire de Fresnes sur Moselle, mais aussi de toute la région, qui couvre la guerre de 14 avec des exemples vraiment très forts, sans doute je le redisais dans le chapeau de l'époque, et des exemples très forts, aussi bien un grand-père allemand, mort du côté allemand parce qu'il était alsacien, hein, et qui ensuite est devenu inspecteur d'académie en Lorraine, et puis... Enfin, non, le fils est devenu inspecteur d'académie, pas le père. Et donc, et puis aussi bien des assauts héroïques de quelques-uns. Voilà, vous avez écouté tout ça et je vous souhaite une bonne soirée d'écoute. Ces témoignages sont poignants. Voilà. Voilà, donc le 13 novembre dernier, j'avais réuni à Fresnes des anciens qui n'ont pas fait la guerre de 14, bien sûr, mais qui ont leur père, qui ont eu leur père, leur grand-père, etc., qui ont fait cette terrible guerre. Et c'était un moyen de faire surgir des souvenirs inédits. Alors, c'était des gens de Fresnes ou d'ailleurs, parce que c'est tout un peu dans la petite région proche du Thiot, de Bussan, et d'autres qui ont connu ça, dont les parents ont connu ça dans le Nord, mais qui sont maintenant à Saint-Maurice, ou voilà. Et aussi bien des destins croisés, aussi bien des combattants tombés ou blessés, certains tombés du côté allemand d'ailleurs, engagés, alsaciens de l'autre côté, et ces diverses destinées, eh bien, je vais vous le faire écouter. Alors, ça sera la retransmission de cette soirée qui sera tout simplement divisée en autant de parties qu'il y a eu d'années de guerre, 14, 15, un peu plus 15, parce qu'elle était plus, on a plus de témoignages sur 15. 16 et 17, 18, et puis après, les suites. Voilà. Le conflit traversait à travers une petite dizaine, pas tout à fait, enfin presque, de témoignages. C'était émouvant. Ça restera dans l'histoire. Et voilà. Alors, j'ai émaillé pour la musique tout cet ensemble d'extraits de musique militaire, bien sûr, un concert des poilus qui a été donné l'année dernière, à Fresnes-sur-Moselle aussi, dans l'église. C'était juste après les attentats, d'ailleurs, du Bataclan, et l'émotion était grande sur ce plan-là, d'ailleurs. Bon, ça n'a pas empêché les musiques des poilus, habillés en poilus, d'Épinal, de donner, et comme c'est peut-être pas du goût de tous les gens d'RGM, j'ai mis un peu de quelques autres musiques antidotes, dont la première, voici, qui permettra de supporter les musiques militaires dans la suite de la soirée. Fatalement, c'est historique aussi, et c'est des musiques qui ont une histoire. Bon, mais ceci étant, on va commencer par celui qui voulut empêcher la guerre, d'ailleurs. Ils étaient usés à 15 ans. Finissait en débutant, les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents entre l'absinthe et les grands-messes? Ils étaient vieux avant que d'être.

après un petit air de Sambrémeuse, enregistré toujours au concert des Poilus. Des airs les plus connus. Alors, avant de passer une antidote pacifiste tout à l'heure, je continue ce quarros de mémoire sur la deuxième partie de 1915 avec mes invités. Oui, une question. Monsieur Philippe Chrétien de la Bresse. Oui. Je voudrais savoir si les forts ont servi pour la guerre de 14-18, le fort du Paramont, le fort de Rue, le fort de ça. Bah, moi, à ma connaissance, non, pas vraiment, non. Si quelqu'un veut répondre à ma place, les forts n'ont pas. Les troupes qui étaient en repos allaient se reposer dans les forts. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Dans l'Épinal. Oui, c'est... Ben, comme Château-Lambert, comme le Parvent, effectivement, ouais. On est en 1915. Ben oui, on est en 15, on peut y aller. Une anecdote humoristique. Mon père était à ce moment-là à Madrid-Assassif, était deuxième classe, avant approché l'eau. Et il avait un saison qui était le général Lafont. Et un jour, le général a bien inspecté son régiment et il avait invité mon père à déjeuner. Et à la fin du repas, les généraux à ce moment-là avaient une voiture, une berline décapotable, et pour porter, ils faisaient mauvais, ils avaient tous une police, n'est-ce pas, les généraux. Et mon père, voulant être aimable, dit à mon oncle, mon général, comment va ma tante? Et lui, un peu sourd, pensant qu'on parlait de sa botique, il dit, oh, elle est vieille, elle pue, elle est sale, elle perd tous ses poils, mais elle me tient bien chaud. J'ai maintenant vous dire que les officiers d'état-major qui étaient là, ont compris. Détail.

Oui, j'ai un petit peu écourté. Peut-être que c'est pas tout à fait votre style de musique, chers auditeurs, mais bon, c'est historique. Donc l'hymne de la Sidi Ibrahim, hymne des Diables Bleus, des chasseurs à pied. Donc. Et pour finir, voici la fin de ce quaroche de mémoire. J'espère qu'il est bien enregistré, on va voir. Voilà. Bonheur longtemps rêvé, comme un bonheur qu'on croit à peine avoir trouvé. Je dis la paix comme une femme, j'ouvrais la porte et tout à coup ses deux bras autour de mon âme et de mon cou. Je dis la paix, cette fenêtre qui battit l'air un beau matin. Et le monde ne semblait être qu'odeur du thym. Je dis la paix pour la lumière à tes pas dans cette saison. Comme une chose coutumière à la maison. Je dis la paix pour les étoiles, pour toutes les heures du jour, aux tuiles des toits, et pour toi l'ombre et l'amour. Je dis la paix aux jeux d'enfance, on court, on saute, on crie, on rit. On perd le fil de ce qu'on pense dans la prairie. Je dis la paix, mais c'est étrange ce sentiment de peur que j'ai. Car c'est mon cœur même qui change léger, léger. Je dis la paix, vaille que vaille, précaire, fragile et sans voix. Mais c'est l'abeille qui travaille sans qu'on la voie. Elle vacille, elle est peu sûre, comme un pied de convalescent. Encore écoutant sa blessure, son sang récent. La guerre a relâché ses rênes. La guerre a perdu la partie. Il en reste un son lourd qui traîne, mal amorti. Ce sont les chars vers les casernes qui font encore un peu de bruit. Nous danserons dans les luzernes jusqu'à la nuit. On reconstruira par le monde les merveilles incendiées. La vie aura la taille ronde sans mendier. Veux-tu que j'énumère les Versailles que nous ferons, les airs peuplés par les chimères de notre front et l'immense laboratoire où les miracles sont humains et la colombe de l'histoire entre nos mains. Alors là, c'était de Jean Ivar et Louis Aragon, le chant de la paix. Alors, pour des raisons techniques, la fin du Croix-Rouge, qui était des quelques commentaires, qui consistaient notamment, il y avait un passage que je lisais du docteur Barros sur les atrocités qu'il a écrites sur Verdun. Le docteur Barros a été engagé comme médecin, il était de Bussan, et le docteur Barros s'est donc retrouvé à Verdun à soigner les blessés. Donc cette histoire, eh bien, je ne peux pas vous la narrer puisque je vous la narrerai une autre fois, elle est sur une autre application. Et là, je suis un petit peu embêté sur ce point-là, d'autant que en ce moment, tandis que j'enregistre, il y a la sonnerie de la porte qui sonne, et c'est ce qui me perturbe. Donc je vais par contre vous ouvrir, j'ai fait un entretien après avec monsieur et madame Philippe, qui m'ont parlé du premier et du dernier mort de la guerre, qui est donc mort à ce moment-là, à la fin de la guerre. On a eu un mort côté allemand et un mort côté français. Le dernier mort de la guerre côté allemand, de madame, qui était d'origine alsacienne, et le dernier mort côté français de monsieur. Le premier mort de côté français de monsieur. Alors je vais essayer de vous retrouver ça. Voilà, si ça veut bien marcher. Qui est mort à la guerre 14, le 22 septembre 1914, c'est-à-dire pratiquement un mois au début, voilà. Et j'ai une anecdote, j'ai mon épouse qui a eu son grand-père qui lui est décédé au mois d'octobre 1918, côté allemand, puisqu'il était alsacien. Voilà. Bon, là, il y a un petit problème d'enregistrement et je ne peux pas vous passer ça tel quel. Je vous repasse une autre musique en attendant. Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras, des qui s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Un piano jouait des choses d'atmosphère, Guillaume Tell ou le grand air du Trouvert, et tout le public en frémissant se passionnait pour ces braves gens. Ça coûtait pas cher, on en avait pour ces 3 francs. Belle, belle, belle, belle, belle comme l'amour, blonde, blonde, blonde, blonde, blonde comme le jour. Un rêve est passé sur l'écran et dans la salle obscurément, les mains se cherchent, les mains se trouvent timidement. Belle, belle, belle, belle, la revoilà. Et dans la salle, plus d'un cœur bas. La voiture où elle se croit en sûreté vient de s'écraser par terre avec un essieu cassé. Le bandit va pouvoir mettre la main sur le fric, c'est tragique, nom d'un chien. C'est fini, tout s'allume, à mercredi prochain. Maintenant ce n'est plus mon papa qui peut m'emmener au cinéma, car il plante ses choux là-bas pas loin de Saint-Cucufa. Mais j'ai rencontré une Dalila, une drôle de môme, une fille comme ça. Elle adore aller le mercredi dans les cinémas. Bien sûr c'est devenu le cinémascope, mais ça remue toujours et ça galope. Et ça reste encore comme autrefois, rempli de cowboys sans foi ni loi, et de justiciers qui viennent fourrer leurs grands pieds dans le plat. gar, gar, gar, gar, gar, il coupait. S'approche du ravin d'enfer. Fais attention, pauvre crétin, car l'anlade n'est pas très loin. À 500 mètres, il loge une balle dans un croton de pain. Gar, gar, gar, gar, pendant ce temps-là, je la prends doucement au creux de mon bras. Le fauteuil où elle se croit en sûreté ne m'empêche pas, ma foi, d'arriver à l'embrasser. J'ai pas vu Cigari sort gagnant, mais comme c'est le cinéma permanent, ma chérie, rappelle-toi, on est resté un an et on a eu beaucoup d'enfants. Voilà, donc encore un petit peu de musique. Là, je vous ai passé un Boris Vian. Et pour finir, on va terminer par un Prévert. Tiens, voilà, c'est très bien, un Prévert. La chanson dans le sang. Ah, puis j'ai pas. On va pas. Non, on a d'abord de la musique militaire, mais oui, j'avais oublié. Donc, effectivement, je vais finir quand même par le concert militaire. C'est... Et puis on mettra le Prévert à la fin comme antidote, il faut dire. Et le concert, c'est un ensemble d'air de la guerre de 14. Voilà, un ensemble de pot-pourri de la guerre de 14 que vous reconnaîtrez. Il y a la Madelon, il y a sur la route de Louviers, voilà. Alors là, j'ai aussi des problèmes, là. Donc, visiblement, un problème de... Oui, voilà. D'interférence entre voilà deux fenêtres qui sont pas fermées, voilà. J'ai eu un problème sur l'enregistrement précédent, faut dire ce qui est, et je vous restituerai tout ça une prochaine fois, puisqu'il me manque et la fin du Croix Rouge avec ces, je vous disais, ces citations du docteur Barros, et puis cet entretien avec M. et Mme Philippe, lequel M. Philippe disait que son ancêtre est un des premiers morts de la guerre, et Mme Philippe, son ancêtre, un des derniers morts de la guerre, l'un côté français, l'autre côté allemand. Donc le témoignage était quand même tout à fait intéressant. Alors je vais essayer à nouveau de vous avoir le concert final. Voilà. Si j'y arrive, si j'y arrive pas, c'est pas grave. Voilà. Thank you. donc c'était ces airs de la guerre et je vais terminer par un petit Prévert. Voilà, je pense que c'est la chanson dans le sang, ça doit bien compléter tout cela. La première guerre planétaire s'est comptée en mégatonnes. Elle a submergé les terres du Cap Nord jusqu'au Cap Horn. Le million de survivants pensaient surtout à nager. Du coup, la chasse aux baleines s'est mise à péricliter. Ne pense pas à demain, petit homme, nage, nage. Ne pense pas à demain et nage vers ton destin. Il s'est écoulé 2 siècles, tout aurait pu s'arranger. Les hommes oubliant la terre ferme commençaient à s'adapter. L'âme aquatique et sereine, ils développaient des nageoires sans se méfier des baleines. Les hommes n'ont pas de mémoire. Ne pense pas à demain, petit homme, nage, nage. Ne pense pas à demain et nage vers ton destin. Ne pense pas à demain, petit homme. Les baleines mangent des crevettes et du plancton à la tonne. Mais leur gourmandise secrète devint de croquer de l'homme. Dans l'homme il y a du déchet, mais en éclatant la tête, on y sentait le fumet d'un grain de folie parfaite. Ne pense pas à demain, petit homme, nage, nage. Ne pense pas à demain et nage vers ton destin. Pour des baleines efficaces, chasser l'homme c'est sans danger. C'est le plaisir de la chasse quand on est avantagé. 100 000 baleines à lécher, 1 000 000 d'infirmes marins, 50 hommes par bouchée, ça ne pouvait pas aller bien loin. Ne pense pas à demain, petit homme, nage, nage. Ne pense pas à demain et nage vers ton destin. Baleine goulue avala le dernier bonhomme. Fugitivement elle eut l'impression d'une bourde énorme. Mais repue et philosophe, sans trop chercher à comprendre, elle rota et se dit: bon, ce qui est pris n'est plus à prendre. Ne pense pas à demain, petit homme, nage, nage. Ne pense pas à demain et nage vers ton destin. Ne pense pas à demain, demain, petit homme. Nage, nage, ne pense pas à demain, demain, et nage vers ton destin. Ne pense pas à demain, petit homme, nage, nage, nage, nage. Ne pense pas à demain, et nage vers ton destin. C'était la paix aux baleines, en fait, c'était un CD qu'on a ici à la radio. C'est tiré d'un Bonjour la paix, de Jacques Ivar. Bon, on va essayer de relancer ce coup-ci pour de bon. C'était pas Prévert que j'avais annoncé. Donc je vais essayer de vous le passer pour de bon, Prévert. Le voilà. Chanson dans le sang. Il y a de grandes flaques de sang sur le monde. Où s'en va-t-il tout ce sang répandu? Est-ce la terre qui le boit et qui se saoule? Drôle de soulographie alors, si sage, si monotone. Non, la terre ne se saoule pas. La terre ne tourne pas de travers. Elle pousse régulièrement sa petite voiture, ses 4 saisons, la pluie, la neige, la grêle, le beau temps. Jamais elle n'est ivre, c'est à peine si elle se permet de temps en temps un malheureux petit volcan. Elle tourne la terre, elle tourne avec ses arbres, ses jardins, ses maisons. Elle tourne avec ses grandes flaques de sang. Et toutes les choses vivantes tournent avec elle et saignent. Elle s'en fout, la terre, elle tourne. Et toutes les choses vivantes se mettent à hurler. Elle s'en fout, elle tourne. Elle n'arrête pas de tourner et le sang n'arrête pas de couler. Où s'en va-t-il tout ce sang répandu? Le sang des meurtres, le sang des guerres, le sang de la misère, et le sang des hommes torturés dans les prisons, le sang des enfants torturés tranquillement par leur papa et leur maman, et le sang des hommes qui saignent de la tête dans les cabanons, et le sang du couvreur quand le couvreur glisse et tombe du toit, et le sang qui arrive et qui coule à grands flots avec le nouveau-né, avec l'enfant nouveau. La mère crie, l'enfant pleure, le sang coule, la terre tourne. La terre n'arrête pas de tourner, le sang n'arrête pas de couler. Où s'en va-t-il tout ce sang répandu? Le sang des matraqués, des humiliés, des suicidés, des fusillés, des condamnés. Et le sang de ceux qui meurent comme ça, par accident. Dans la rue passe un vivant, avec tout son sang dedans. Soudain le voilà mort, et tout son sang est dehors. Et les autres vivants font disparaître le sang. Ils emportent le corps, mais il est têtu le sang. Et là où était le mort, beaucoup plus tard, tout noir, un peu de sang s'étale encore. Sang coagulé, rouille de la vie, rouille des corps. Sang caillé, comme le lait. Comme le lait quand il tourne comme la terre qui tourne, avec son lait, avec ses vaches, avec ses vivants, avec ses morts. La terre qui tourne avec ses arbres, ses vivants, ses maisons. La terre qui tourne avec les mariages, les enterrements, les coquillages, les régiments, la terre qui tourne et qui tourne et qui tourne avec ses grands ruisseaux de sang. Jacques Prévert. Et pour continuer un petit peu, encore un peu, dans ces antidotes, puisque je vous ai infligé de la musique militaire, très, très typée, histoire oblige, on va continuer par un autre Brassens, la guerre. Avant le succès que se taille le moindre récit de bataille, on pourrait en déduire que les braves gens sont belliqueux. La guerre c'est sûr, l'affaire c'est dur, aucun de sort n'est telle belle fête. Lorsqu'elle est faite et qu'on s'en sort, c'est un sacré frisson que donne au ciné le canon qui tonne. Il était sans nul doute d'un autre genre autour de Verdun. La guerre c'est sûr, l'affaire c'est dur, aucun ne sort, mais quelle belle fête. Lorsqu'elle est faite et qu'on s'en sort, allons enfants de la patrie, à tue-tête on le chante et crie. Qu'on nous dise faut y aller, on est dans nos petits souliers. La guerre c'est sûr, la paix c'est mieux, aucun ne sort, mais quelle belle fête. Lorsqu'elle est faite et qu'on s'en sort, c'est beau les marches militaires, ça nous fait battre les artères. Un peu moins fanfaron, sitôt qu'on approche du front. La guerre c'est sûr, la paix c'est dur, aucun de sort, mais quelle belle fête. Lorsqu'elle est faite et qu'on s'en sort, les uniformes et les bottes, les tuniques et les capotes, c'est à la mode, on les enfile très volontiers dans le civil. La guerre c'est sûr, la paix c'est dur, aucun de sort, mais quelle belle fête. Lorsqu'elle est faite et qu'on s'en sort. Avoir le succès que se taille le moindre récit de bataille, on pourrait en déduire que les braves gens sont belliqueux. La guerre c'est sûr, la paix c'est dur, aucun de sort, mais quelle belle fête. Lorsqu'elle est faite et qu'on s'en sort. Ouais, un Brassens, c'est pas très connu là. Je vais alterner encore un petit peu pour... J'ai encore un peu de temps dans cette fin de soirée.

La terre fait paisiblement du pain. La brume de l'été est sortie des champs de blé et elle bouche tous les horizons. Dans ce lent mouvement qu'elle a pour s'élargir sur tout le pays et pour monter dans le ciel, elle découvre la palpitation de petites poussières brillantes. Ce sont les balles légères des grains prématurément mûris et qui se sont envolés. Le lourd soir d'été apporte ses ombres. Je te reconnais, Dave 2, qui a été tué à côté de moi devant la batterie de l'hôpital en attaquant le fort de Vaux. Ne t'inquiète pas, je te vois. Ton front est là-bas sur cette colline, posé sur le feuillage des yeuses. Ta bouche est dans ce vallon. Ton œil qui ne bouge plus, se remplit de poussière dans les sables du torrent. Ton corps crevé, tes mains entortillées dans tes entrailles, et quelque part là-bas, sous l'ombre, comme sous la capote que nous avons jetée sur toi, parce que tu étais trop terrible à voir, et que nous étions obligés de rester près de toi, car la mitrailleuse égaliser le trou d'obus au ras des crêtes. Je te reconnais, Marois, qui était tué à côté de moi devant la batterie de l'hôpital en attaquant le fort de Vaux. Je te vois comme si tu étais encore vivant, mais ta moustache blonde et maintenant ce champ de blé qu'on appelle le champ de Philippe. Je te reconnais, Jolivet, qui était tué à côté de moi devant la batterie de l'hôpital en attaquant le fort de Vaux. Je ne te vois pas, car ton visage a été d'un seul coup raboté et j'avais des copeaux de ta chair sur mes mains. Mais j'entends, de ta bouche inhumaine, ce gémissement qui se gonfle, et puis se tait. Je te reconnais, Verkamp, qui a été tué à côté de moi devant la batterie de l'hôpital en attaquant le fort de Vaux. Tu es tombé d'un seul coup sur le ventre. J'étais couché derrière toi. La fumée te cachait. Je voyais ton dos comme une montagne. Je vous reconnais tous. Et je vous revois. Et je vous entends. Vous êtes là dans la brume qui s'avance. Vous êtes dans ma terre. Vous avez pris possession du vaste monde. Vous m'entourez. Vous me parlez. Vous êtes le monde et vous êtes moi. Je ne peux pas oublier que vous avez été des hommes vivants et que vous êtes morts. Qu'on vous a tué au grand moment où vous cherchiez votre bonheur. Et qu'on vous a tué pour rien. On vous a engagé par force et par mensonge dans des actions où votre intérêt n'était pas. Vous, dont j'ai connu l'amitié, le rire et la joie. Je ne peux pas oublier que le dirigeant de la guerre ne vous considérait que comme du matériel. Vous dont j'ai vu le sang, vous dont j'ai vu la pourriture, vous qui êtes devenus de la terre, vous qui êtes devenus des billets de banque dans la poche des capitalistes. Je ne peux pas oublier la période de votre transformation où l'on vous a haché pour changer votre chair sereine en or et sang dont le régime avait besoin. Et vous avez gagné. Car vos visages sont dans toutes les brumes. Vos voix dans toutes les saisons. Vos gémissements dans toutes les nuits. Vos corps gonflent la terre comme le corps des monstres gonfle la mer. Je ne peux pas oublier. Je ne peux pas pardonner. Votre présence farouche nous défend la pitié. Même pour nos amis, s'ils oublient. Giono, je ne peux pas oublier. Texte que je ne connaissais pas d'ailleurs. Je vais essayer de vous passer, pour finir, Émile Verhaeren, aux jeunes soldats morts. Ne reverrez plus les monts, les bois, la terre. Beaux yeux, yeux de mes soldats. En ce dernier printemps, où plus que jamais douce apparut la lumière, et qui est tombée en ce dernier printemps, où plus que jamais douce apparut la lumière. On n'osait plus songer aux champs d'or que l'aube revêtait de sa gloire irisée. Seule la sombre guerre occupait la pensée quand au fond des hameaux on a pris votre mort. Seule la sombre guerre occupait la pensée quand au fond des hameaux on a pris votre mort. Depuis votre départ à l'angle de la glace, votre image attirait et le cœur et les yeux, et nul ne s'asseyait sur l'escabeau boiteux où tous les soirs près du foyer vous preniez place. Et nul ne s'asseyait sur l'escabeau boiteux où tous les soirs près du foyer vous preniez place. Hélas, où sont vos corps jeunes, puissants et fous? Où sont vos bras, vos mains et les gestes superbes? Qu'avec la grande faux vous faisiez dans les airs, hélas, la nuit immense est descendue sur vous. Hélas, la nuit immense est descendue sur vous. Parler de vous tristement tous les jours, et puis un soir de juin, on parla d'autre chose. On a parlé de vous tristement tous les jours, et puis un soir de juin, on parla d'autre chose. Voilà, eh bien, c'était donc une soirée consacrée à la guerre de 14, aux témoignages, et puis émaillée de musique militaire déjà, par les poilus d'Épinal. Enfin, ils font aussi la musique impériale. Ils étaient déguisés en poilus pour venir à Fraisse. Et puis aussi des chansons pacifistes de Brassens, Ferré. Un poème de Prévert. Et là, Jacques Ivard, que je découvre, qui en fait était né en 40, je pense qu'il est décédé, est un chanteur, donc je lis sur Wikipédia que c'est un chanteur qui résidait dans le nord de la France, qui réside en fait, dit Wikipédia, originaire du nord de la France, réside actuellement à Dunkerque. Ah oui, si, c'est ça. Donc il est toujours vivant. Il chante depuis les années... Excusez-moi, Ivar. Hein. Il chante depuis des années 60 des chansons à texte, effectivement, dont il est auteur, compositeur. Il est élève de Georges Brassens et travaille régulièrement avec Gérald Rick Bauer et jusqu'à son décès avec Catherine Delavier. Voilà. Et donc... voici donc ce Jacques Ivar, et peut passer à la télévision un peu dans les années 70, donc il y a très longtemps, c'est Jean-Louis, et puis aussi c'est Jean-Louis Foulquier. Il est donc un homme toujours à découvrir. Hein. Voilà. Il est espérantiste et participe à de nombreux rassemblements, de le dernier à Boulogne-sur-Mer en 2005. Voilà quelqu'un à redécouvrir et des chansons à texte, effectivement, touchantes et importantes quant à leur sens de paix. Voilà, eh bien, bonsoir et à une prochaine avec des compléments sur ce que j'ai, deux, trois enregistrements que je dois rattraper, des interviews, là, de la fin du Croix-Rouge de mémoire, et Monsieur et Madame Philippe, dont j'avais un enregistrement un peu interféré, il faudra que je restaure. Voilà. Bonne nuit, bonne noche. Thank you.